La nuit, un patrimoine radiophonique. Écrivain, inculpé d'intelligence avec l'ennemi pour écrit collaborationniste durant la Seconde Guerre mondiale. Il fut secrétaire d'André Gide et puis aussi secrétaire de Drieu-La Rochelle, mais entre 1941 et 1943. Il a été journaliste de la revue du mouvement social révolutionnaire, La Cagoule, dont il est devenu rédacteur en chef, Lucien Combel. Il affirmait dans le troisième volet de cette série d'avoues nues accordée à Pierre Assouline en 1988 qu'il ignorait totalement l'existence des camps de concentration, d'extermination. Il se dit non-vichiste, non-fasciste. Lucien Combel, sujet de la série d'avoues nues diffusée pour la première fois sur France Culture en juillet 1988. Tout de suite, le procès. Entretien d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Lucien Combel s'entretient avec Pierre Assouline. Quatrième entretien, 1945-1952. Votre procès, Lucien Combel, va arriver très tôt. Oui. C'est parmi les premiers. Oui. Ce qui est une grande malchance en l'occurrence, puisqu'on sait maintenant que les premiers épurés ont été copés pour tous les autres. Oui. Donc votre procès, c'est à la fin de l'année 44. Voilà. Est-ce que... Mais je ne me plains pas, Pierre Assouline. Non. Mais... Un réquisitoire de peine de mort, 15 ans de travaux forcés, c'était, si j'ose dire, avoir une chance extraordinaire. Vous avez eu 15 ans. Oui. Vous étiez condamné à 15 ans de travaux forcés. Voilà. Après des témoignages, après bien des... Les témoignages qui ont été tous d'ailleurs des témoignages de faveur, aussi bien du révérend père Louis de Lettre, Philippe de la Trinité, membre du CNL. Du Front National. Front National. Comme d'ailleurs le témoignage de Gaston Boyer, directeur de Libé Soir. Comme le témoignage d'André Gide, témoignage épistolaire. J'en oublie peut-être 3-4 comme ça. Des témoignages, bon, tous favorables. C'était assez normal parce que je n'avais, pendant l'occupation, commis qu'un crime. Celui d'être idéologiquement pour l'occupant, pour ce qu'il représentait par le nazisme. J'y ai cru. Vous appelez ça un délit d'opinion ? Oui. En tout cas, c'est ce qui a été plaidé par mon avocat, qui, au réquisitoire de peine de mort, a plaidé, lui, l'acquittement. Pour délit d'opinion. Oui. Mais vous croyez quand même pas que vous soyez acquitté ? Non, pas un instant. Pas un instant. Et vous avez été interrogé par les deux magistrats instructeurs qui sont occupés des dossiers de l'épuration des journalistes et des écrivains. Mais j'ai eu, moi... Le moins redoutable de tous. C'était qui ? L'un s'appelait Raoul, et le mien s'appelait Angéras. Alors lui, disons que par rapport à Raoul, il ne mettait aucune haine dans ses interrogatoires, et il avait plutôt le souci de me faire comprendre que je m'étais mis dans un cas extrêmement grave. Parce que quand je lui répondais, j'avais toujours le sentiment de lui dire, mais enfin, voyons, la guerre, c'est la guerre, les idées, c'est les idées, etc. Et lui ramenait ça à quelque chose de très précis. Il me disait, mais Combelle, vous avez suffisamment de mémoire pour vous souvenir des tribunaux révolutionnaires. Les cours de justice ne sont pas autre chose que des cours des tribunaux révolutionnaires. Vous n'allez pas être jugé par des magistrats, vous allez être jugé par des militants politiques qui sont vos adversaires. N'attendez pas d'eux le moindre cadeau. Ayez bien conscience de cela. Et ayez conscience que vous risquez la peine de mort. Voilà. Le dossier d'un magistrat instructeur pour un journaliste qui va être épuré, en principe, il était constitué essentiellement d'articles, finalement. Oui. C'était le cas du vôtre ? Ah oui, oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Essentiellement. Oui, mais ils avaient choisi... ils choisissaient quand même les articles les plus... Oui, bien sûr. Plus durs. Vous parliez de haine tout à l'heure. Il y a une personne que vous avez toujours qualifiée de haineuse pourvoyeuse d'échafaud. C'est la chroniqueuse judiciaire de l'Humanité, Madeleine Jacob. Absolument. Est-ce que vous aviez de la haine pour elle ? Du tout. Du tout. Je l'ai regardée d'ailleurs dans la tribune de la presse. Je vous avouerai que cette présence féminine d'une femme, je me souviens très bien de sa chevelure très noire et de sa peau un peu bistre, cette présence-là, au contraire, avait quelque chose pour moi d'apaisant. Une femme au milieu de ces requins de chroniqueurs judiciaires, je savais qu'avec elle, je n'aurais pas le moindre cadeau. Mais cette présence, la présence féminine est une présence pour moi qui a toujours été apaisante. Où que ce soit, et pourquoi que ce soit. Une femme, c'est apaisant. Quand vous avez été condamné à 15 ans de travaux forcés, en décembre 1944, Lucien Combelle, avez-vous eu la conviction, le sentiment que vous feriez ces 15 ans ? Ah oui. Vraiment ? Bien sûr. Oui. Ah oui, parce que il faut vous dire que les premiers mois de détention à Fresnes se sont déroulés dans un climat très haineux. Je parle bien sûr de l'administration pénitentiaire. Il n'y avait pas plus zélé résistant que les surveillants. Qui étaient les mêmes qui avaient surveillé prisons de l'occupation pleines de communistes. Bien sûr, mais ça, c'est... On apprend à vivre en prison. Je ne regrette pas mes années de prison, moi. Ils m'ont beaucoup appris à vivre. À vivre autrement et à voir les choses autrement. Aujourd'hui, pour moi, 15 jours de prison, c'est une rigolade. Mais je le dis sans forfanterie, là. Vous avez été à Fresnes, vous avez été à Poissy. Alors là, j'ai fait 11 établissements pénitentiaires. D'abord parce qu'il y a eu des transferts pour des raisons de sécurité. L'administration pénitentiaire avait un souci, c'était de changer les détenus politiques d'un établissement, les mettre dans un autre, pour éviter toute espèce de complot, de création d'un mauvais esprit, etc. Bon. Alors... J'ai subi les premiers transferts normaux, c'est-à-dire d'une centrale à une autre centrale. Première centrale, Poissy, qui est un des souvenirs les plus hallucinants que j'ai conservé du monde carcéral. Un Poissy qui n'a rien à voir avec ce qu'aujourd'hui c'est même. Après, ça a été S, la centrale d'Aïs, dans le Lot-et-Garonne. Et alors là, il y avait au gouvernement français des radicaux socialistes et des socialistes qui ont commencé à desserrer les écrous, pas lever les écrous, mais à les desserrer pour améliorer le système pénitentiaire à l'égard de ce qu'il était convenu d'appeler les politiques. Alors, là, J'étais donc, disons, à mon troisième établissement pénitentiaire. Là, on m'a offert d'être transféré dans un camp. Et dans ce camp, il y avait un système très libéral, il faut bien le dire, celui des commandos. Commandos, dans un pays de vignes, qui allait faire les vendanges chez les paysans. Avec, bien sûr, la promesse de ne pas s'évader. J'en reviens, Lucien Combel, au début de votre incarcération. Je fais un petit retour en arrière, en 45. Début 45, vous étiez donc à Fresnes. Et bon, le premier coup de tonnerre pour vous, c'est quand même le 6 février. Ah oui. Qui rappelle un autre 6 février, mais enfin qui n'a pas la même dimension. C'est l'exécution de votre ami Brasillac, voilà. Qui était aussi votre compagnon de cellule. Voilà. Et alors pour moi, bien sûr, c'est un événement très, très évidemment, dans ce grand silence du jour qui se lève dans la prison, dans la première division, les moindres bruits étaient répercutés. On était venu chercher Brasillac pour le fusiller. On entendait donc le bruit des pas, le bruit des magistrats, je n'étais pas hors de ma cellule pour voir la scène. Mais ce qu'il y a, c'est que dans ce silence, car les surveillants à ce moment-là ferment absolument toute possibilité de regarder, de voir, de satisfaire une curiosité, hélas, inutile. Dans ce grand silence, j'ai entendu en effet partir le cortège et la voix de Brasillac dire « Au revoir Henri Béraud, au revoir Lucien Combel ». Je dois dire que quand on sait ce que ça veut dire, on sait que quelques instants plus tard, cette voix qu'on entend sera celle d'un homme fusillé, c'est très impressionnant. Est-ce que dans les premiers mois de votre incarcération, avant et après l'exécution de Brasillac, en lisant les graffitis qui étaient sur les murs, est-ce que vous avez pensé à ceux qui ont été fusillés avant vous ? Mais bien sûr ! Est-ce que vous vous êtes senti soit une complicité avec ses prédécesseurs, soit peut-être indirectement ou directement une responsabilité dans leur sort ? Ah, vous revenez toujours au problème de responsabilité. Je voulais employer aussi un autre mot, si vous permettez, celui de solidarité. Leur misère, brusquement, je me disais, la voilà, tu la vis toi-même aussi. Bon, nous sommes en fin de compte des ennemis, mais nous sommes plongés dans la même nasse, dans la même nuit. Responsabilité, vous voulez dire que je devais imaginer que ce que j'avais écrit aurait pu mener quelqu'un à ma place ? Oui. Mais il aurait été forcément alors du même bord que moi. Non, non, mais quelqu'un à votre place avant vous. Les prisons de l'occupation ont été remplies de communistes, oui, de résistants, de francs-maçons, de juifs, oui, qui ont été parfois déportés. Oui, mais... D'un autre côté, la presse de la collaboration, je ne parle pas des dénonciations, ah, oui, qui sont quelque chose de ponctuel. Oui, oui. Je parle d'un système, d'un processus qui fait que dans cette guerre-là, chacun ayant choisi son camp, ceux qui étaient dans votre camp ont quand même... Pierre Assouline, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais toujours eu une démarche vers l'adversaire. Je ne peux pas mieux vous dire. Ce qui me frappe dans la plupart de vos déclarations et dans vos écrits par la suite, c'est quand vous parlez des prisons de l'épuration, vous dites toujours le bagne. Or, quand on dit le bagne en France, on pense à Cayenne, on pense à des gens qui ont des fers aux pieds et des chaînes et des boulets. Une vision un peu anachronique du bagne, mais le bagne, c'était quoi précisément pour vous, le bagne ? C'était d'abord... Les travaux forcés et les maisons centrales, Or, en fin de compte, lorsque nous serons épurés en 44-5, depuis combien d'années le bagne de Cayenne est-il supprimé ? Depuis peu d'années. C'est-à-dire que si nous avions été condamnés aux mêmes peines un peu avant la guerre de 40, nous étions déportés en Guyane. Donc là, en tant que bagneur, comme vous dites, vous n'aviez pas les chaînes aux pieds ? Que si ! Toute la journée ? Pas toute la journée, mais nous avions... En certaines circonstances, par exemple lorsque nous avons été transférés de la centrale de Poissy à la centrale d'Aix et que nous sommes allés prendre un train à la gare de Poissy qui devait ensuite, par des lignes périphériques, rejoindre la ligne d'Aix qui devait passer par Limoges, nous avons fait tout ce trajet, chaîne aux pieds, chaîne aux mains. Je présume que vous avez quand même, sans avoir les journaux, des nouvelles de l'épuration en train de se faire dans votre prison. On appelait ça la radio. On appelait ça la radio, vous savez, un nom. C'était un peu un mot comme radio chiotte, enfin. On n'y attachait pas d'importance, mais on y croyait. On croyait qu'il y avait parmi les détenus des gens mieux informés que les autres. Ne serait-ce que par les parloirs. Et les nouvelles que vous en aviez vous rapportaient quand même des choses qui faisaient penser que les condamnés de la première heure, comme vous, avaient copé pour les autres, que ceux qui étaient venus 2-3 ans après, comme Rebatté par exemple, et l'équipe de Je suis partout, avaient moins souffert. Est-ce que la leçon qu'on pouvait en tirer, c'est que finalement, d'avoir quitté la France, ce que vous refusiez à faire, eh bien, ça pouvait sauver des vies, ça pouvait sauver la vie d'un futur épuré, alors que la position la plus honorable, la plus digne, celle qui consistait à rester pour être jugé, celle qui était la vôtre, au départ de quelques autres, était la plus difficile à soutenir. Oui, mais là, vous commettez une erreur de... Permettez-moi de vous le dire, une erreur de date. Les infos arrivant comme ça, de bouche à oreille, c'était valable dans la période où nous étions dans des centrales, où il y avait la loi du silence, il n'y avait pas de journaux, il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien. Il fallait donc s'en tirer par ces sortes d'informations tout à fait... Mais... Cette coercition n'a duré que 2 ans. Donc, on peut dire qu'à partir de 46, 47, le régime pénitentiaire s'est assoupli au point que dans les prisons que nous allions connaître après, nous avions des moyens d'information normaux. En ceci qu'on pouvait avoir à la centrale d'Aix, on pouvait, sans se mettre en état d'infraction, mériter le pire des mitards, on pouvait se procurer la dépêche de Toulouse, par exemple. Ah oui, quand même. Voilà. Mais quand vous avez vu les comptes rendus des procès d'épuration, quand vous avez vu les témoignages... Ceux de cette époque. Oui. Ceux de l'époque où il y avait enfin de l'information. Enfin l'information. Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment quand même que, finalement, beaucoup de vos anciens amis étaient des gens de double jeu, puisqu'il semble que tout le monde ait pratiqué le double jeu à ce moment-là. Oh là. Est-ce que ce n'a pas été pour vous un moment de franche déception et de grande amertume ? Mais bien sûr. Bien sûr, et puis venant de gens d'ailleurs, on ne s'attendait même pas à cela. Vous ne me ferez pas dire des noms. Non, mais je ne vais pas vous les dire. Mais je pense à des personnages très précisément. Nous pensons aux mêmes personnes. Sans aucun doute. Et qui se sont retrouvés, en effet, se révélant au cours de leur procès. Agents d'intelligence service. Donnant des renseignements aux Anglais. Ahurissant. C'était ahurissant parce que on s'attendait pas à cela. Vous me direz que le propre d'un agent double, c'est de rester très discret s'il veut vraiment bien faire son boulot. Simplement que j'en ai tiré moi tout de suite une conclusion. J'étais heureux de ne pas être dans leur peau, car j'aurais été très malheureux de devoir, pour essayer de sauver ma peau, révéler que j'étais un agent double, ou que j'étais en train de renseigner je ne sais qui. Ou inventer que vous avez voilà, un double jeu. Voilà, inventer. Parce que la déception pour vous, c'est pas seulement que c'était des anciens confrères avec lesquels vous avez travaillé dans les mêmes journaux, mais surtout certains d'entre eux étaient des amis. Voilà, certains, oui. Certains ? Oh oui. Mais je ne dirai pas de nom. Mais je ne vous les fais pas dire. Il y a quand même, dans toute cette boue qui suit la libération, et dans tout ce qui vous est arrivé, il y a quand même une lueur en prison. C'est en novembre 1950, un article dans le Figaro. Celui de Mauriac. Celui de François Mauriac, Le supplice par l'espérance. Voilà. Il est important parce que c'est dans le Figaro et parce que c'est de Mauriac, qui n'était pas précisément un de vos amis politiques. Absolument. Et dans donc en 50, peu avant que Pollan publie sa lettre ouverte au directeur de la Résistance, et Mauriac prend le parti des épurés, on peut le dire, et il écrit notamment « L'amnistie n'a plus guère de valeur du point de vue de la réconciliation française. » Il écrit encore « Quels sont donc ces patriotes intraitables ?» Ces citoyens incorruptibles qui ne veulent pas entendre parler de clémence. Quels sont ces jacobins austères à qui leur vertu interdit le pardon et peuvent-ils se regarder sans rire? Et Mauriac écrit enfin, à la fin de cet article du Figaro, à la une du Figaro, entre les collaborateurs qui ont joué la carte allemande avec prudence et selon leur intérêt du moment et qui plastronnent aujourd'hui aux premières places et d'autres qui, étant fascistes par conviction, comme Brasillach et comme Drieu-La Rochelle, se sont jetés à corps perdu dans le mirage d'une Europe unifiée grâce à Hitler et ont payé cette très coupable erreur de leur vie, je sais quant à moi quels sont ceux que je ne méprise pas. » Alors, venons de Mauriac, qui citait dans cet article Brasillach fusillé, Béraud condamné à mort et Combelle incarcéré, je crois que ça a dû quand même faire chaud au cœur. De lire le Figaro ce jour-là. Je lui ai même écrit. Que lui avez-vous dit ? Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Enfin, à la lecture de d'un papier comme ça. Combien ça m'avait ému et noué les tripes de lire un texte pareil et sous sa signature. Quand avez-vous été libéré ? En liberté conditionnelle. Par la générosité de Vincent Auriol. Donc en 51. Voilà. Vous avez donc fait 6 ans de bagne. 7 ans. 7 ans. Donc la moitié de la peine à laquelle vous aviez été condamné. Voilà. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être amnistié ? Non, pas du tout. La liberté conditionnelle, c'est pas une liberté totale. Il faut déjà trouver un répondant, ce qu'on appelle une référence. Cette référence, je l'ai trouvée dans le Cantal, parce que j'avais là un parent qui était encore maire de sa commune, qui était un ancien combattant de la guerre de 14-18, blessé abominablement, enfin, un homme, un rescapé de Verdun, ou je ne sais plus quelle bataille, qui était bien sûr un personnage indiscuté, indiscutable, qui était maire de son pays à travers, je sais pas, 30, 40 ans de sa vie, et il s'était porté garant de moi. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que pour les Parisiens, la guerre s'arrête en 44. Pour les Français, la guerre s'arrête en 45. Ah oui, c'est Pour ça. Lucien Combelle, la guerre s'arrête en 1951, finalement. Oui, absolument. Pour vous, c'est là la fin de la guerre. Ah oui. Alors, comme ça clôt une période, c'est le moment quand même de vous demander si vous avez des regrets par rapport à ce que vous avez pu écrire pendant l'occupation. Les regrets de quoi? Sur ce que Sur vous, quoi? sur vos écrits. Est-ce qu'il y a des phrases, est-ce qu'il y a des articles que vous regrettez d'avoir écrits? Ah, incontestablement. Ah oui. Avec le recul, je me demande parfois même comment j'ai pu aller si loin dans des convictions idéologiques. Oui, mais je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle en 51. En 51, quand vous jetez un regard en arrière, quand votre guerre est finie, à Ah vous, oui, ah oui. vous regrettez vos écrits? Certains Il n'y a d'entre pas eux? encore assez de recul au moment 51. Il n'y a pas de recul encore assez, Ça se suffisamment. sent parce que vous publiez en 51 un livre, Prison de l'Espérance, Mais. dans lequel vous racontez l'occupation Mais. et l'épuration, et on sent que vous n'êtes pas encore tout à fait serein par Non, rapport à tout ça. c'est vrai. Il n'y a pas encore de recul. Le recul viendra plus tard. Et aujourd'hui, quels sont vos regrets par rapport à cette époque? D'avoir été d'un bout à l'autre, mais ça peut remonter aussi à mon enfance, complètement à côté de la plaque, hors du sujet. Marginal? Oui. Parce qu'en fin de compte, je suis un marginal fils d'ouvrier quand je me mets à lire, à 15 ans, à lire Maurras. C'est pas pensable. Je suis né dans un quartier ouvrier, j'aurais dû rester, en fin de compte, un fils ou un petit-fils d'ouvrier. Et après, quand vous faites Arts et Idées, vous êtes encore un marginal dans une Ah bah, revue qui l'est? ah bah oui, mais alors à ce moment-là, j'ai en quelque sorte trahi, c'est ça, une trahison là. J'ai trahi ma classe sociale. Je fais de l'élitisme bourgeois. Et après, vous avez trahi la littérature Oui. en vous dévoyant dans la Voilà, politique. oui. Je n'arrête pas. Je n'arrête pas d'être un dévoyé. Est-ce qu'on aurait pu appliquer le terme de non-conformiste Si vous voulez. plutôt que marginal? Parce que marginal. Oh, il y a quelqu'un qui a, quand j'ai publié la suite de Péché d'orgueil, a rédigé la prière d'insérer au dos de la. Et me compare au neveu de Rameau. Je ne suis pas tout à fait le neveu de Rameau, mais il y a un peu de ça. Je suis quand même un peu parasitaire dans toute cette histoire, d'un bout à l'autre. Est-ce que je me demandais en voyant, en revoyant un film, Lacombe Lucien, Oui. et en repensant Lacombe Lucien, Combelle Lucien, Lucien Oui. Combelle, Oui. à cette assonance, je me demandais si vous aussi, en 39, après avoir écrit pour Benda dans Marianne contre l'action française, eh bien, s'il y avait eu un grain de sable, peut-être que votre itinéraire aurait complètement dévié. Et que votre vie aurait été complètement différente. Parce que, à partir du moment où en 40, après votre démobilisation, vous entrez dans la gerbe, et votre vie, votre avenir est entièrement tracé. Car de ce passé de collabo, jamais vous vous remettrez. N'en doute pas, non. Jamais. N'oubliez quand même pas la clé maurrassienne qui fait de moi quand même un homme qui n'arrive pas à avaler la démocratie. À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Lucien Combelle s'entretenait avec Pierre Assouline. Réalisation, Marie-André Armineau. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 28 juillet 1988. Les Nuits de France Culture, suite et fin de la série D'Avoix Nues, diffusée pour la première fois sur France Culture en juillet 1988. Entretien d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Lucien Combel s'entretient avec Pierre Assouline. Cinquième et dernier entretien, 1952-1988. En 1951, Lucien Combel, un de vos premiers gestes en quittant la prison, finalement, c'est d'écrire et de publier. Et vous publiez coup sur coup deux livres, deux petits livres. L'un, c'est Prison de l'espérance, où on a l'impression que vous, non pas vous réglez vos comptes, mais vous mettez les choses au point par rapport à vous-même sur l'occupation et la libération et l'épuration. Et puis l'autre, c'est Je dois à André Gide, qui est un livre où vous dites votre dette à André Gide. Alors, puisqu'on va maintenant passer à autre chose, qu'est-ce que vous lui deviez à Gide? Un grand morceau de ma culture générale, enfin, c'était un homme tellement étonnant à écouter, à voir vivre même. Malgré son égoïsme et son égotisme, son repli sur lui-même, son côté quand même très... En plus de ça, très bourgeois, grand bourgeois, qu'on ne n'appréhende pas toujours, tout de suite, du premier coup. C'est un homme qui donnait à ses familiers une envie de toujours mieux le connaître, d'aimer la littérature, ce qu'il aimait aussi lui, de lire, en fin de compte, un peu sous son influence, un peu aimer les auteurs qu'il aimait. Et avec Gide, ça vaudra pour Simenon comme pour... Bossuet. Bossuet, oui, en effet. Puis Montaigne, fantastique. D'ailleurs, il était lui-même un peu Montaigne. Bref, pour moi, Gide, ça a été une sorte de faculté privée. Pour un autodidacte, c'est un grand privilège. Voilà, énormément. Alors, ce petit livre qui est introuvable aujourd'hui avait eu la presse à l'époque, et bon, j'ai retrouvé quelques coupures. Un journal dit, titre, un secrétaire fidèle, celui-là au moins, ne débine pas son patron quand il est mort. Parce que, en faisant allusion à votre assistance auprès de Gide avant la guerre. Bon, beaucoup de journaux, Rivarol, mais d'autres, ont également relevé ce mot de Gide que vous rapportez dans votre livre. Je cite, c'est un mot de Gide en 36, à l'époque du Front Populaire, et sur la manière dont Léon Blum avait composé le gouvernement. Et Gide, vous avez dit, c'est une maladresse, ce n'est pas la première. Depuis Dreyfus, les Juifs sont assis sur leur triomphe et ils sont insupportables. Et ça, c'est une des choses qui a été le plus reprise. Alors, ce qu'on a aussi remarqué dans les critiques, c'est que vous, contrairement à Jean-Jacques Brousson, vous n'avez pas essayé de faire comme lui avait fait Anatole France en pantoufles. Vous n'avez pas fait Gide en pantoufles. Vous ne montrez pas les petits côtés et choses comme ça, les anecdotes, parce que, bon... D'abord, ça n'irait, les pantoufles n'auraient pas été à Gide. Puis alors, ce qui m'a le plus frappé, c'est l'article de Roger Stéphane dans les temps modernes. Un article très intéressant qui conclut en disant « Si certains disent qu'il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre, ce livre témoigne que M. Lucien Combel n'est pas un valet de chambre. » Et il dit que c'est un livre de pieuse amitié. C'est ainsi que vous l'auriez pensé, ce livre, Pieuse amitié? Vous n'êtes pas méchant pour Gide. Je ne suis pas méchant, je n'ai pas à l'être. Non. Je ne vois pas pourquoi j'aurais été méchant pour Gide. Quand je dis méchant, je dis que vous n'êtes pas très critique. Oui, ça c'est vrai. Mais il faut dire aussi que je suis dans une situation de débiteur. Après tout, je n'ai même pas... j'ai 20 et quelques années. Je suis le jeune débutant en littérature. Et je suis perdu d'admiration pour un homme dont j'ai lu beaucoup de livres et qui m'offre en plus de ça le privilège de vivre à ses côtés, rue Vaneau, dans la plus grande simplicité. Est-ce que vous l'avez revu après votre libération? C'est bien mon regret de ne pas l'avoir fait. Non, j'aurais pu, juste. Juste avant? Oui. Juste. Juste avant sa mort, vous voulez dire? Juste. Oui. Mais très juste. C'est de ma faute. Et c'est un regret. Enfin, ce n'était pas volontaire, ça ne s'est pas fait. Non, pas du tout. Ça ne s'est pas fait. Non. Lucien Courbel, vous n'avez, vous, jamais retourné votre veste, mais par contre, vous avez viré votre cutie. On peut le dire en politique. Absolument, oui. Ça s'est passé quand, ça? Qu'est-ce qui vous a fait virer votre cutie? La réalité contemporaine. Mais ça s'est passé à votre sortie de prison ou bien dès... Ah non, pas du tout. Pas ma sortie de prison. Non. D'abord parce que ma sortie de prison, il y a eu la période de réadaptation, qui n'a pas été très très facile. Attendu que je me heurtais encore à des séquelles de l'épuration. Vous étiez un réprouvé. Ah oui, absolument. Une sorte de pestiféré. Ah oui. Est-ce que vous avez pensé à changer d'identité? Absolument pas. Non. J'avais en quelque sorte payé ma dette s'il y avait une dette. Pourquoi j'aurais changé d'identité? Non. Il y en a qui l'ont fait. Mais... c'est pas mon genre, non, pas du tout. Je restais Combelle. Cléoto, vous l'avez beaucoup visité à Fontenay-aux-Roses après la guerre. Je l'ai beaucoup visité partout, oui. Là où il était, enfin au Mercure de France, les visites étaient quasi quotidiennes. La rue de Condé était pour moi un trajet d'ailleurs très normal, puisque à l'époque j'habitais rue Laumont, derrière le Panthéon. Et pour moi, la rue de Condé, c'était une chose exceptionnelle. C'était tous les matins, disons que pour moi, j'allais chercher chez Léoto ma ration de potin littéraire, de jugement à l'emporte-pièce, de jugement aussi anticonformiste, qu'il allait, s'il avait envie de le dire, me dire que Émile Henriot était un imbécile ou... il s'agit de l'académicien. Mais est-ce que vous continuez à le voir après les années 50? Après votre libération? Ah non. Ah, c'est ça. C'est ça ma question. C'est une fois que vous avez été... Quand j'ai été libéré, Léoto, d'abord, n'était plus au Mercure. Il vivait en ermite là-bas à Fontenay-aux-Roses. Il y avait Marie Dormois qui veillait sur lui. Et en sortant de prison, il m'eût été très difficile, je crois, de retrouver la tonalité de nos dialogues de l'entre-deux-guerres et de pendant la guerre. Il y aurait eu forcément un décalage. De plus, fait comme il était fait, il aurait éprouvé le besoin, peut-être, de vitupérer, je ne sais sur quoi, sur moi, sur mon attitude pendant la guerre, etc., sur ce que j'avais écrit. Et puis de plus, si vous voulez bien contrôler, il va pas tarder à mourir. Oui. Comme Gide. Voilà. Oui. J'ai pas eu le temps. Les deux. J'aurais pu, si le temps m'avait été donné, petit à petit, retrouver, renouer. Je l'aurais fait d'autant plus, disons facilement, que j'aurais pu me servir à ce moment-là de mon amitié avec Robert Mallet. Mais alors, bon, maintenant il faut revenir quand même à l'écrivain, qui est quand même le plus important pour vous, qu'on a à peine évoqué jusqu'à présent, parce qu'on le gardait pour la fin, et qui occupe ici chez vous toute une partie du rayonnage de la bibliothèque, c'est Céline. Alors Céline, comment l'aborder? Comment vous l'avez abordé, vous, d'abord? C'était juste avant la guerre? Moi, je l'ai abordé avant la guerre, quand en 1939, oui, 39, il publie son premier pamphlet antisémite, qui est soit Bagatelle, soit L'école des cadavres. Et à ce moment-là, il y a dans la presse parisienne une attitude mais extraordinaire à l'égard de cet homme qui avait déjà publié Le Voyage, Mort à crédit, une attitude étonnante, tout ça parce que il venait de publier ses pamphlets. Et dans la revue Arts et Idées, en 1939, je publierai un article sans le connaître et en disant « Mais est-ce parce que Louis-Ferdinand Céline vient d'écrire ses pamphlets antisémites qu'il a cessé d'être le grand écrivain qu'il était il y a encore quelques mois ?» Singulière démarche, voilà le thème si vous voulez. Et à peine avais-je publié cet article que j'ai reçu une lettre de Céline, qui habitait à cette époque, ou bien encore la rue Lepic, ou bien chez sa mère, rue Marcelier. Ne sais plus. Toujours est-il que la lettre de Céline, que je n'ai pas là à vous montrer, puisqu'elle est maintenant, avec les autres lettres de Céline, déposée chez Maître François Gibault, qui est l'exécuteur testamentaire de Céline. Cette lettre en substance me disait « Je vous connais pas, vous prenez ma défense, mais vous avez bien tort. Je suis un pestiféré, vous devriez vous garder de prendre ma défense. » Ça a été ça, disons, le premier contact. Pendant la guerre, vous n'avez pas beaucoup vu? Ah si. Déjà beaucoup? Ah oui, parce que le chemin de la rue Girardon était pour moi quand même un chemin assez familier. Oui. J'aimais bien. D'abord, j'ai toujours aimé les contacts avec cet homme, tout comme j'ai aimé la lecture de ses livres, même les plus vieux, parce que c'était un homme tonique. C'est un écrivain tonique, dans le sens vraiment tonicité. Il n'y a pas livre qui mette plus en bonne humeur, en bonne santé, que Le Voyage au bout de la nuit, quand on le lit bien. L'écrivain qui a trouvé des formules comme « mourir » ou « mentir », c'est un écrivain exceptionnel. Car en effet, on meurt ou on ment, parce que la vie elle-même est un mensonge. C'est étonnant. Vous comprenez ? C'est un écrivain qui considérable. Donc, disons que c'est un écrivain qui, pour moi, depuis Le Voyage, est un compagnon de route, dont le pessimisme profond, fondamental, me convient fort bien, puisque c'est le mien, sans que je fasse d'efforts. Comment se fait-il que, puisque vous le fréquentiez pendant la guerre, vous n'avez pas pu le faire collaborer à votre journal ? Parce que Céline était un homme qui ne collaborait à aucun journal. Il s'y refusait. S'y refusait. Même pas par amitié pour... Non, il a envoyé des lettres. Oui. Alors ça, des lettres, j'en ai publié dans Révolution Nationale. Mais ces lettres, d'ailleurs, c'était souvent pour vous engueuler. Vous l'aviez proposé d'écrire des articles? Le connaître, comme je le connaissais, ça aurait été lui proposer ça une incongruité. Il aurait hurlé. Non, Céline n'était pas un homme de journalisme, d'article. Quand vous étiez en prison, il vous a écrit? Il était au Danemark. Oui. Il était lui-même, non, ça alors. Oui, mais enfin, il a quand même beaucoup écrit du Danemark. Ah oui, c'est possible, mais il m'a même écrit après, à son retour. Mais non. Pas du Danemark. Non. Donc c'est après votre libération, quand lui est à Meudon, à ce moment-là. Qu'on se retrouve. Il revient en France, et lui, voilà. Vous revenez à Paris, en quelque sorte. Voilà. C'est là que vous vous retrouvez. On se retrouve. Ouais. Et là, c'est un regain d'amitié qui va durer jusqu'à la fin. Oui, absolument. Mais est-ce que vous l'avez lu avec des yeux neufs après 50? Il n'y a pas d'yeux neufs quand on a lu Céline et qu'on est habitué à la lecture de Céline. Il n'y a pas d'yeux neufs. L'œil est neuf dès le départ, et auquel cas il restera neuf, le même, il ne changera pas. On reste fidèle depuis le voyage de 1932 jusqu'à nos jours, à cette œuvre considérable, on lui reste fidèle partout, par tous les chemins, par tous les ouvrages, non ? Pas question pour vous d'exclusion de telle ou telle partie de son œuvre. Absolument pas. C'est un tout cohérent. Moi, je vois très bien ce que vous voulez dire. Bien sûr, les pamphlets. Non, les pamphlets font partie de son œuvre, enfin. Bien sûr, ils font partie de son œuvre. Mais vous ne faites aucune distinction dans son œuvre entre la partie romanesque et la partie pamphlétaire. Non, parce que il y a des gens qui font la petite bouche, voyez-vous, avec la partie, disons, de Céline émigrée. Enfin, émigrée, là-bas, cimérienne, qui donne le nord d'un château l'autre et tout ça. Mais c'est des livres fantastiques. C'est une chronique d'apocalypse. Il n'y en a pas d'équivalent. Bon, alors, non. Je ne vois pas pourquoi je mettrais de côté en disant le Céline pamphlétaire, c'est du Céline mineur, l'autre Céline, c'est le Céline majeur. Non. Pour Céline, vous, c'est une cathédrale qu'on prend en entier. Et je crois que je ne suis pas seul de cet avis. Je crois que vous poseriez la question à Philippe Solers, il répondra comme moi. Vous ne croyez pas que tout ce qui a été écrit sur Céline, et ça continue, et de plus en plus, comme exégèse, comme commentaire, a tendance un petit peu à obscurcir finalement l'œuvre. Mais bien sûr. Et qu'on n'a pas intérêt à se débarrasser. Mais ce qui pouvait arriver de pire à Céline, c'était de tomber dans les mains des universitaires, déjà, et ensuite de devenir cette espèce d'aliment constant de ce qu'on appelle la critique. Alors en effet, on a l'impression d'ailleurs que il y a chez ceux qui s'intéressent à Céline au point de publier des bouquins sur lui, on a l'impression que ils essaient de ramasser des miettes de sa taille, enfin de sa substance, de sa richesse, pour se servir eux-mêmes. Ils se grandissent, ils ont l'impression de se grandir s'ils s'attaquent à Céline. S'attaquer d'ailleurs, dans le bon sens du mot, il ne s'agit pas seulement de ceux qui écrivent des pamphlets contre lui. Mais s'en prendre à Céline, parler de Céline, c'est d'être un peu Céline. À ça, surtout pas. Il faut le laisser là où il est, puis se dire que c'est au XXe siècle, à part Proust, dans les phénomènes littéraires, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Pour vous, c'est le plus grand? Oui, après Proust, parce que Proust, c'est prodigieux. Cette reconstitution du temps par la mémoire. Enfin, je ne vais pas vous expliquer Proust. Vous êtes devenu, Lucien Combelle, depuis un certain nombre d'années, ce qu'on appelle un témoin. C'est le cas de le dire, puisque les témoins de cette époque... C'est bien ce qui me fâche le plus. Je sais bien, Je sais bien, mais je pense pas seulement à ce que vous appeliez le collabo de service, avec un certain agacement, mais aussi à l'avant-guerre, à Dreux-La Rochelle, à Léoto, à Céline et à Mais Gide, oui. un témoin. Est-ce que quel regard portez-vous sur ces historiens qui viennent sans arrêt vous interroger sur toutes ces périodes-là, et notamment la guerre? Alors, s'ils ont le bon goût de ne pas me parler de l'occupation, du nazisme, du fascisme, je les reçois avec gentillesse. Par exemple, je pense à un universitaire qui habite Dakar, je crois qu'il est d'ailleurs à la faculté de Dakar, qui m'a l'autre jour sollicité pour Macorlan, parce qu'il sait que j'ai beaucoup aimé, j'aime toujours beaucoup Macorlan. Je réponds avec joie, avec joie. Bon, mais Macorlan, s'agissant, mais c'est d'accord. magnifique. Mais s'agissant de la guerre, alors la guerre d'occupation, est-ce que vous lisez leurs livres? Les livres sur le fascisme, sur l'occupation? Je lis, oui, quand je, oui, je lis avec beaucoup de. Pour vous dire que je n'ai pas les moyens financiers de m'acheter tous les livres. Enfin, ça, c'est un détail. Je m'en plains pas. Surtout que j'ai des amis quand même qui me ravitaillent. Mais il y a des livres que je n'ai pas envie de lire sur cette période. C'est quand ces livres, je le sais à l'avance, vont essayer de me convaincre que vraiment, il n'y avait pas de solution meilleure que celle du fascisme ou du nazisme. Je regrette, mais moi j'en ai fait le tour. Je crois en avoir fait le tour. Et avoir le droit de dire non et non, c'est fini. Ce ne sont pas des livres d'historiens, ça. Ce sont des livres D'analyste. d'analystes ou très engagés, d'essayistes très Voilà, engagés. voilà, voilà. Mais moi, je parle des historiens professionnels. Je me souviens qu'une fois, vous étiez dans une rage en lisant le livre d'un historien américain qui vous citait et qui disait que sous l'occupation, vous Voilà. vouliez faire interdire une pièce Oui, de Molière. de Molière. C'était faux. C'était faux. Et ce que je re... voilà, ce que je regrette, c'est que chez certains de ces historiens, alors que l'homme est vivant, je le suis encore heureusement, ils soient pas venus me voir. Je leur ai dit, mais où avez-vous trouvé ça? Où ai-je cherché à faire interdire une pièce de Molière? J'aurais bien aimé, en effet, qu'il me donnât sa Mais référence. vous êtes un témoin de l'histoire, mais est-ce que vous ne croyez pas que le témoignage des acteurs de l'histoire est parfois très sujet à caution et que finalement, sur une période aussi dense et difficile que l'occupation, il ne vaut pas mieux juger sur pièce uniquement, c'est-à-dire les articles, les archives, les correspondances? Tout à fait de votre avis, Pierre Assouline. Ça devrait être ça et uniquement ça. Le Mais reste, c'est bien beaucoup plus sûr. l'atmosphère, l'air du temps, le Mais bien témoignage sûr, finalement. bien sûr. C'est d'ailleurs pourquoi je suis très réticent pour toute la partie de, enfin, toute cette histoire vue par les cinéastes, parce que le cinéma ne peut pas rendre tout cela. C'est encore, c'est pire, si vous voulez, que les faux historiens ou les Le cinéma, qui forcément est tenté de recréer le climat, un climat, le cinéma n'y arrivera jamais. Mais pourtant, Lucien Combel, tout en vous défiant des entreprises cinématographiques, je sais que vous aimez bien les livres de Patrick Modiano, qui est également le scénariste de La Combe Lucien. Oui, je sais, oui. Oui. Est-ce que Modiano n'a pas vécu cette période, bien entendu, il était trop Non, jeune. il est né en 46. Mais vous avez retrouvé dans ses livres l'atmosphère, l'air du temps tel que vous l'avez Mais connu? vous savez pourquoi? C'est très simple. Ce que j'aime chez Modiano, c'est son flou. Le flou modianesque, c'est le flou de Simenon. C'est la brume, c'est l'imprécision. Moi, je pense toujours à Modiano comme un garçon qui cherche ses personnages Pour les attendre, c'est installer au pied d'un bec de gaz, d'un lampadaire, par une journée de brume, et sortent du brouillard les personnages qu'il attend, hommes et femmes, qu'il cherche, car c'est une quête, me dit Anno. Ils surgissent du brouillard, passent devant lui, comme c'est le brouillard qui l'enveloppe lui-même et qui enveloppe toute la ville ou toute la rue, les personnages de Modiano sont enveloppés de brume, de brouillard, comme lui-même, passent devant lui, s'en vont, ce sont des silhouettes. Et je suis très sensible à ça. C'est une éthique romanesque qui m'est très sensible. Si vous voulez, ça échappe à la loi, au système romanesque de la porte s'ouvrit et il était 5 heures, la marquise allait boire sa tasse de thé. Je n'aime pas cette chose photographiée, précise, ces astuces-là. C'est trop vieux tout ça. Le flou de Modiano me plaît infiniment, d'autant qu'il correspond chez lui à une quête. Il n'a pas trouvé encore ce qu'il cherche. Alors c'est fantastique. Moi je trouve Modiano un romancier fantastique pour ça. Iacombel, quand on évoque la fidélité, quand on évoque la loyauté, oui. Certainement. Oui. Mais je me demandais, en vous écoutant, vous avez certainement vu le film d'Orson Welles, Citizen Kane. Dans Citizen Kane, il y a le Rosebud, cette luge qu'on voit au début et à la fin du film, qui est la clé du personnage. Et le Rosebud de Lucien Combel, pour vous, Lucien Combel, c'est quoi? Comme je ne me souviens plus des images du film. Oh, même, en oubliant ça, est-ce qu'il y a un objet, quelque chose ou quelqu'un, ou un livre qui fait que on sait en le tenant ou en le voyant que c'est une des clés de votre vie. Oui. Non, je pense que c'est plutôt dans le livre que je suis en train d'écrire que se trouvera peut-être la clé. Ce livre qui n'a rien à voir avec l'histoire, le témoin de l'histoire et tout ça, s'intitule Le fleuve. Quel fleuve ? Celui où je suis né. La Seine, dont vous allez à une image. Un port où je suis né. Une rive de ce port, la rive gauche. Et puis, j'ai traversé, je me suis retrouvé sur la rive droite. C'est-à-dire, je suis passé d'un camp à un autre. Mais pourquoi ? Parce que ce fleuve me donnait, depuis mon enfance, en culotte courte, le goût des rêves, le goût des voyages, le goût toujours de l'ailleurs. Être ailleurs que là où on se trouve. Mes joies à moi, c'était de regarder les cargos, et surtout leurs poupes, parce que je pouvais lire leurs ports d'attache. Simplement la lecture des ports d'attache de ces cargos me suffisait. Et c'est pour ça que je n'oublierai jamais que c'est tout enfant que j'irai un jour Singapour. Pour moi, je n'oublierai jamais le Singapour de mon enfance. Après, bien sûr, il y aura Hong Kong, il y aura des tas de choses comme ça. Aller ailleurs, partir, partir. À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Lucien Combel s'entretenait avec Pierre Assouline. Réalisation, Marie-André Arminot. Cette série d'émissions a été diffusée pour la première fois sur France Culture en juillet 1988. À noter que Pierre Assouline a publié aux éditions Gallimard, Le fleuve Combel.